Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui une comédie sympathique. Hervé, 14 ans, est un ado moyen débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, qui vit seul avec sa mère. Au collège, il s'en sort à peu près, entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter. Putain, mais il est plus moche que nous, lui, non? Mais tu rigoles, sa tête de cul de l'univers, ce mec. T'es capable d'aller l'embrasser là tout de suite? Tu me prends pour un mytho ou quoi? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi. Non. Non, mais t'as vu ta gueule? J'étais comme toi à ton âge, hein. Tu mets des capotes, j'espère, hein, t'oublies pas, hein. Eh ouais, t'inquiète, une fois j'en ai mis deux, alors ça reste de rien. Tu peux baisser ta musique à rap, là? Mais putain, frappe, merde! Tu sais quoi? Tu te masturbais? Elle veut ton corps. Elle veut ton corps. Elle veut ton corps, mec. N'importe quoi. C'est le plus beau jour de ma vie. La serrer comme un homme. Comme un homme, ça fait bizarre de voir ça. Ouais, je peux pas éviter de raconter mes histoires perso à tout le monde, là. Oh là là, mon chéri adoré. Oula. Bah, entre nous, c'est super sérieux. On a parlé de faire des enfants et tout. Ouais, mais ça, c'est pas quand roulant des pelles que ça arrive. Il faut mettre la saucisse, mon vieux. Je crois que j'ai traumatisé. Il est trop beau. Il est trop moche. Les beaux gosses, un DVD Fox Pathé repart.